This is a J-Rum production. La planète s'effondre, la nature au crash. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. Bienvenue messieurs, mesdames. Je me présente, moi c'est DJ Jam. Écrire, c'est ma passion. Que mon but est d'être dans les félicitations. Anonyme comme un Playmobil, un accordéon qui s'accorde parfaitement. Je tente les records dangereusement. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. Je suis enfant. La musique c'est le kiff comme un karaoké. Dans une gang y'a toujours des bandits, des gangs. Et des fois des rumeurs courent comme une propagande. Toujours fier d'être enseigné. Moi je te le dis, c'est bien mieux que de saigner. Que classique, stratégique, toi t'es chic. La technique je l'ai, moi je te le dis, la tectonique. Prêt et prête à verser des larmes. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêt et prête à verser des larmes. C'est parti, prépare-toi, mets le tapis, premier pas. Le groove et le beat et l'impasse, le tempo fracasse. Si tu me comprends pas, j'y peux rien, me parle pas. J'ai pas t'es qui, sûrement un caca. C'est de la pop à la Lady Gaga. Moi j'fais de la musique et pas du yoga. Y'a pas de limite et que des gigas. Personne me dit fais ci, fais ça. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. La planète s'effondre, la nature crame. Soyez prêts et prêtes à verser des larmes. La planète s'effondre, la nature crame.